أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. وأنه قال لما كان يوم الخيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الخمور أهليته فإنها رجس متفق عليه. وعن عمر بن حارجة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن وهو على راحلته ولهابها يسل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. دخل صدق رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قصد العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفاء المفسدين أهل طريقة الشيخ جن الرابحين. أما بعد جنا بن تنتهي على جلتي أنتبه عليه الصلاة والسلام ñu ngi yeggale inshallah fi nga xamne mom la ñëmal ci suñu téré bu barkel bu moy bulughul maram min adlatul ahkam bu al imam al hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al asqalani rahimahullah ci hadith yi nga xamantene mom moy ñaar fukelu hadith ak ñatt ak ñaar fukelu hadith ak ñeen ci buntu babu izalatun najasati wa bayanha. من وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة رضي الله تعالى عنه فنادى أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الخمور الأهلية فإنها رجس متفق عليه. وعن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه الترمذي وأحمد ولبق أخرجه أحمد والترمذي وصححه. قال نياري حديثي ويو موي نياري حديثي نغا خامتاني فوف لا نيامون تي سونو غانوم حديثي. كون حديث بيغا خامتاني موم موي بو نديك موي عن عمرو بن خارجة عن وعنه منهم سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال أن دخوحنا لما بغا خامتاني كان نيكون يوم خيبر خيو خيبر خارج خيبر بامو نيوي بامو خيوي تي خيو خيو يويا أمر الله تي ديغلي رسول الله ندول يالا لي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة رضي الله تعالى عنه فنادى مدادي ووتي أن الله نكا بور يالا كات ورسوله أن داوم لي صلى الله عليه وسلم ين هياني كوم نيغي لين دي تيرك دا نان دين تيرك عن لحوم تي ندولو الخمر مبام ليغا خامني الاهليه ني كو دي كير مانام مبام سوفي comme ni mu nekké ci benn ndaw al khumurul insiya manam mbamu mbam yi nga xamantene dañu nité manam dañu domestique voilà sauvage ñu parce que voilà pour différencier ko ak sauvage moy mbam ala fa innaha ndax kan mom manam ndawal li ridj sun sobe la. Wa an amru bin kharijata solo nañ ci amru bin kharijata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah ndawal ya allah sallallahu alayhi wa sallam wala bok dede annahu qala na dafa waxna khatabana khutbal nañu rasulullah ndawal ya allah sallallahu alayhi wa sallam fa biminan caminan manam wala caminan wo huwa fek mom ala rahilati mom ndawal ya allah sallallahu alayhi wa sallam wo huwa fek xalam moy di mom ala rahilati mi ngi ci kaw war way manam ci kaw gëlëm bi fanada non dede ha walu abuha fek tuflitam yi manam tuflitu gellem gi yatilu ma ngay walangan ma ngay wal ala kati fayya ci sama kaw mbagi akhrajo solo na hadith bi genné nako ci téréem wi ahmad imam ahmad ibn hanbal ci la ci musnadam wala ci musnadam wa at-tirmidhi ak imam at-tirmidhi rahmahullah wa sahhahu te mu wëral nako ndax dafa ne hadha hadithun hasanun sahih hadha hadithun hasanun sahih amna hadith buñu gissone expression bi ban la ban hadith buñu gissone expression bi expression bi hada hadith hasan sahih gisni ko ha musni ko gis wa lol amul kenn ko wara lat kenen lol ñun ñep na der lol mo ah lol mo damay bayyi mo lan ko xamul damay bayyi wala xamul ban numéro ban hadith la mo hadith yi bal okay moy bi wess wa moy juste bi wess wa hadha hadith hasan sahih hadha li lol la lay tek lol la lay tek wa ayo lan la hadith hadha hadithun hasanun sahih defek voilà juste la signification on je donne pas grand chose Non, passe pas ça. Voilà. Voilà. Non, moi. Voilà. Tiens. Allez, vers nous. Mais c'est-à-dire. Non, mais. Non, mais. Ouais, d'accord. Voilà, d'accord. Voilà. Mais. Il faut mu am c'est que dafa am ben affaire bo am solo moy koko ñi am un minimum de maam luñu retenir maam ben minimum buñu retenir parce que si su amul minimum buñu retenir mais jaxta jang jarugo bu fekkante ne manam leçon bo jall amul un minimum bo ci retenir mais jaru ngay jang c'est à dire il faut nous comprendre ben donnée bu important ci xam xam mais c'est extrêmement important moy mom ñu bëru dañ koy jawal ñu bëru dañ koy jawale ñu bëru dañu jawale jaar ak warate wala wala wala ak gamu ak conférence quatre mbir la yo xam dañu wuté quatre la quatre choses yo xam tane dañu wuté mais il faut que ñu genn ci cadre am ci limitu traditionnel biñ am ak li nga xamantene moy niñu coutume ci suñu doxalin fokk ñu genn ci limite bobu duggu ci benen mentalité manam mentalité xam jang xam di mokal tak japp voilà parce que su fekkante da nga jaawale quatre éléments yi ni mo tuddu legui ni su fekkante rek bon c'est normal hein wolof jaawale ko c'est normal voilà lolou sax du khas c'est manam du critique quoi du critique c'est voilà parce que lutax parce que souvent dafa am habitude rek di def un mélange partout ci yoyu non manam di voilà et que presque ñun benn forme la ñu gëna xam moy forme gamu la ñu gëna xam après forme waraté xam nañ ko aussi mais forme waraté bi tamit dafa am ay limite motax ngay gis waraté kat yi ñoñ ñoy ñi nga xamne dañ leen di kat classé way ki mom dafa tang ki dafa bi voilà ñoñ ñoy waraté kat yi hein way waafi al waaf nga xamne dañuy xup nit ñi di leen war di leen exhorter voilà di leen exhorter il faut ñu baña jaawale loolu ak gamu mom souvent moy wax lu neex rek voilà maintenant nak meun na dem ci xam lu ñeen ci bi sallalahu alayhi wasallam wala nit ñu bax ni voilà mais ala en quelque sorte wax du neex la dal en gros ndax li ngay wax deug la wala du deug sax loolu duñ ko samonté gamu amul loolu amul règlement bobu amul limay wax deug la wala du deug limay wax neex na ak dugul na nit ñi wala dugul na da tax gaay taraxé wa wala deug loolu mom moy règle gamu donc bobu il faut pas ñu jaawale ko ak benen bi ci def voilà motax voilà li seen pal waxon waaji na ci ne kene ñoo fi dafa gam deul ñu ci bitéré mune xamna ni buñu léra lool lan way gam gi re mo xamna bi xëccu gi dina gëna wañé waaw xëccu dakk bi mom dina gëna wañé wala il faut ñu xamné ko mom gam ak waraté ak conférence souvent manam c'est pour étaler quelques connaissances ci bénn sujet voilà bo xamantene ñi jël nak dañu jël nak ñeneen ñi du jël nak ñew affaire bi neexon na nangam mais buñu démé après bon c'est fini hein voilà né jang dafa wuté ak lool yépp voilà jang mom dafa gëna sérieux en fait dafa laaj rigueur bu gëna mat bu gëna yëkëtiku bu gëna kawé encore bu gëna rigueur en fait rigueur la laaj détermination assiduité fréquence voilà permanence lool la laaj compte voilà conduite voilà jang lool la laaj donc dafa laaj aussi kuy jang day tak dafa am ay règles voilà dafa am ay règles yo xamantene kuy jang ci top règles yoy mais du xam tout simplement du xam voilà du xam il faut pas que ñu jaawale la légui pour cependant bo xolé dans la hiérarchie gamu kati ñoo gëna bëri après conférencier ñoo ci tégg il y a beaucoup de conférenciers aussi après warata kat ñoo ségu bon normalement warata kat ñoo warono gëna xaw buri tout sax par rapport ak gam kat yi mais warata kat yi ségu parce que en fait ñi gam souvent de amna lu muy démé ñu mënon warata mais loolu dafa jafé parce que warata day laaj aussi nga nangu voilà nga nangu ñu considérer la nénañ nga warata mais nga nangu ñu considérer la nénañ donc warata kat lolu moy gënal bi conférence yi kon gamu kat ye gëna bari tek ci conférence yi tek ci warata kat yi mais ñu gëna niw ñu gëna niw moy jangale kat ñoo ñu gëna niw voilà donc il faut pas ñu jawalé il faut pas que ñu jawalé ñu yépp voilà c'est très simple ni voilà yeneen yi ñoo gëna simple donc il faut que tekku jangou do jax do ki comme li yent wax sax inna ma al-ilmu bi ta'allum sama question bobu non ba legui gisuguma ci ton ba legui gisuguma ci ton moy ko nu sol kenn rek ñu ne ma diw mi mom don ko sol jangou dara musta jang dara ñe dal ko sol te li gaay jang yeb xam na non mon musumako gis wala awmu ci ben exemple bo xamne vivant la wala mort wala cheikh tidiane do de la am ngey wax dañ ko laaj sax xam xam bi foko jele mune jang yu mako ci kenn kefe dama woru ñu bare ma jang ko ci ñoom motax ma am ma xam li ma xam ma do ko xam Voilà. Donc lolou mom deggu man dama ko deggu sax ci soir. Dang koy wax ni diw dañ ko sol wala dañ ko ki. En fait man deggu. Voilà. Ala kul hal même bu amé lu rar la. Voilà, même bu amé lu rar la. Voilà. Kon ñu bayyi xal ki bobu, domaine bobu. Voilà. Manam ñu baña nek ci ay passe temps rek quoi wa ya ko suñu temps lolu ki lay ñu delu soir kon ngeen xatanu hadha hadithun hasanun sahih lan lay tek woor la okay bu goor wala hein hadith la hasan sahih bu weer maintenant lan la lambo lan lay tek manam legi lolu moy limi tek ci bit mais legui lan la lambo lan lañ waxone mom la lambo manam waxuma sax li nga xamantene moy borom waxu wuti ginti wuti ci ni li la wara tek ci ni li la ki ne le la mais amna benn mbir bo xamantene mom la manam liñ mujjon wax ne amana lolu dal buñu xolé ba xol ta naka lolu met imam at-tirmidhi rahimahullah djub ay rawa ba hada hadith hasan sahih Non, ça y est, moi il est lourd. Effectivement. En fait, le terme là, il faut l'amour, il est voilà. Moi la l'amour, effectivement. Mais, Hassan, bitu du bout. Moi, non, Hassan. Hassan moy lan la Hassan non lan la Hassan ba lu rafa maintenant buñ né hadith bi hadith la Hassan la lan lay fessi moy remplir une condition sahé mais remplir une condition sahé mais daif aussi remplir une condition sahé kon lu ko wuté Hassan ratoñu ko ñu xalisu sa ñu amna ko ah deuy la kan antanu deuy moy la dere lol la est ce que lol la non dafa ne dafa ne hadithun sahihan liko wutele hadithun sahih moy ne hadithun sahih moy hadithun hasan dafa remplir dafa am ñaari condition manam dafa remplir trois conditions hadith sahih mais amna ñaari yenen ñaar condition yu hadithun sahih yu mu remplir ma laj ko ñaari condition lan la mu ne saaf ak allah voilà qui parfois voilà c'est un exactement tac il est moins d'acteur voilà lola voilà al murtaba fi haddih matasala bi naqli adl qalla dabtuhu wala qalla dabtuhu wala shazza wala ummila wal yuraqa bi maratib wal ihtidada yattabi wala wajhul ahli al ilm de kon kon kon li condition ko wala c'est à dire que condition yi hasan hadithul hasan toutes les conditions yi nga xamantene mom la hadithul sahih remplir yeb remplir nako bamou dess len moy ñi nek nek dafa am un rapporteur parmi ñi rapporter chaîne bi mayo de la chaîne quelque part mu am kenn ko xamantene ni mi takke ni mi mokale dafa dess lolu motax ñu tuddé ko hadithul hasan kan yow bi nga wax isna okay voilà non non yow bi wax wa isnadu sahih wa yow bi nga wax isnadu sahih la okay voilà hasan kon moy li wa legui maintenant bu bolé hadithul hasan ak hadithul sahih dal mi hada hadithul imaginer deug est ce que deug ngeen wax di pourquoi mu problème la est ce que bind expression bi pourquoi expression bi une interrogation parce que c'est comme s'il y a une sorte de contradiction parce que buñ né hadith bi hasan na ba paré wulbati ko né sahih ta hadithul hasan xamnañu ko hadithul sahih xamnañu ko la baat bi di tek est ce que gën lutax mu wara indi questionnement wa voilà pour mu nek hasan et pourtant ñu ngi qualifier hadith bi comme étant hasan c'est comme si voilà voilà on peut pas être les deux à la fois il faut soit être hasan ou être sahih on peut pas être en même temps hasan et sahih han ah lolu imam suyuti wax rahmalah mera man dama djugne bi gaay to waxe manam sen vision gaay waxe sen vision bo fere mune man gisna ci hein wa qad badali fihi ma'na yani hein naka ها ها في هذا الفن نغنى وقد بدا لي فيه معنى يعني لم ها وقد بدا لي فيه معنى يعني على كل حال manam ke ne amna ñaari maana yo xamne mu ñaari sans yu mu am yo xamantene mu gis na ni gaay topato mbir mi manam di ahla hada shani manam moy xam xamu hadith ñom gisini ko won manam ñom waxuñ ko won kenn ci ñom wax ko won moy la manam mu neul ay hasan mi ghayrihi sahihun manam mom bo len jele ben rek mom xatan la mais so len bolé mu nek sax manam ce qui fait que kon hadith bi xatan la mais su wé bari manam ay xatan ay xatan ay xatan ay xatan nga bolé lu nek sax wala wala bo mu nek xatan wala manam ala kulli hal manam yow li nga wax ben manana ben sens la bo xamne mom la imam suyuti rahmalahu wax ci mbir de manam ay hasanun li ghayrihi sahihan donc même principe ne que ci hadith yo xamne dañu daal ci beuri wa xamne dañu jappal bo bu ñoom bu ñu beure ken manam sen manana day deugul mëna def ya même principe moy dox fi voilà exactement moy dox fi même principe bi day dox fi mais ala ko le xala lolou gisone nko yaatalon nanko ci jamono do def biñ ko gisee li nga xamantene lañ koy meuna teunk kon nañ ko teunk manam moy ne bu ne hasanun sahih amana lim ci djublu mom moy da fay feddali rek manam day feddali moy insiste formule d'insistance la pour wone ni sahih la voilà manam rafet la wirnu manam hasan sahih voilà donc voilà donc ala kulli hal kon hasanun sahih voilà kon imam at-tirmidhi parce que bon borom xamni dañ ci wouté rahmatullah alayhi comme ni nga xamné non lañ ko gissi won biñ tolé fof mais nak il faut que ñuy bañ di ci la ilaha illallah gis nga imam muslim neena waxi waxullah yakarna wax joju waxon nañ ko detaay yu esu ya bu dara mu soxala ti yahya ibn abi kasir rahimahullah al-ilmu la yunalu ma'arafat al-jasad xam xam defu ko am ak yaram gu sedd ku bëgg am ak yaram gu sedd noflay gu metti mom sebo nga tela noppal wa noppalu ben ñu bon papa c'est pas grave wala ko mu sax do na dama nga japp li jigeen ni ci walu wa ko ngey uppe ndare fof ngey uppe ndare wala wala dafa lat japp tak mokal xam et cetera kon ñaari hadith yi inshallah kon dañuy tambal inshallah ak manam li nga xamne mom mo aju ci masaa'ib ci mas'ala yi nga xamantene ñom lañu wara gis moy masaa'ib yi aju ci hadith yi masaa'ib yi ñaata xetu masaa'ib lañuy faral di gis ñat ban ak ban masala fiq usul wa ak lan tegen yalla yu ndike fiqi yo xamantene su fekkentene nit la ku bëgg xam xam ku ci soobu ci yitté wo xam xam té yoya bokul ci programme am loolu limuy tek moy bu mu perd temps la japp na dafi di leneen na japp di leneen na séti leneen parce que en fait bu ko xam du ko am dañ daan wax naan bu ñëk né xam xam boko joxé ce lepp momu jox la touté mais soko joxé touti mais do jox dara lutax parce que manam mom xam xam borom teranga la notable la en fait voilà notable la comme que xam xam mom notable la manam notoriété bi ne ci mom daf ko firé kenen ku ko joxul leppum wala ku ko joxul lu bare voilà donc dafa am ay teggine yu mu andal am rigueur bu mu andal am ay doxalim yu mu andal am ay jikko yu mu andal voilà lor mom motax tout temps hadith bu ñu romb ñu jang teggine yi nga xamantene ñom ñoo aju lan xam xam à travers hadith ay wa kon ñu ñëkke hadith bu ñëkke bi hadith bu dafa ni bi yow mu khaybar amé solo sama ki voilà bi jour khaybar amé yantu bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wo abou talha radiyallahu anhu mune len yalla day ak yantu bi sallallahu alayhi wa sallam ñom ñanga len di téré ñi ngi len di téré yapu la Allah ndax sobal nonu liñ ci ñëk jàngé bu ñëk bi mom moy bok na ci kon téggino xam xam moy jotali manam mi ngay jotale wax ji da wara leer manam bokul ci téggino xam xam di wax jo xamantene manam kene da la dula mëna dégg am lutax parce que déjà jangukat bi day tayel ki jang élève ba nopi du ko wor li ngay dégg manam du ko wor né limi dégg lolou wërna wala nim ko déggé nona la lolou tax yenté bi sallalahu alayhi wasallam bi mi tan ci ku koy jotale dafa tan ko xamantene comme niñ ko gissewon sayyidna abu talha radiyallahu anhu ñu gissé ci tarjuma manam nit la ko xamantene batam dafa kayé won wala dafa jotale won mo baax mo wax ñu ñu sul alsan wala nga xam le baat bi day porté deug legi wala deug kon parce que lolou dafa am solo en fait lolou mom motax moy ki sa xam xam te lolou non du xaar bay jangale bay commencer jangale do ko man lolou dañ koy jang aussi manam dès le début nit ki day am ben façon bu muy imposer bopam ci wax han manam ci yëkëti batam ak ci rafet ni muy waxe ak ci rafet ni muy waxe ak ci organiser ni muy waxe mais lolu kenn duko man totalement lolu dafa am ñaari façon yuñ koy mané amna wo xamantene dañ koy man parce que dafa naturel ci nit ki amna ño xamantene mom lolu dafa naturel ci ñom ñom dañoy judd rek man ko voilà wala ñu maggé ci biir ay nit ño xamantene comme geewal yi ak gaay yi ño xamantene ñom lolu voilà peut-être que dañuy gëna am facilité par rapport ak lolu ndax fi ñu maggé la ndax dañu tam di wax ci mbolo di tam di wax di ki di wax yo xamantene day am ay yenn tournure yi et cetera bon lolu ci lañ ñam yaré ci lolu lañ maggé amna tamit ñeneen ño xamantene ci même domaine bobu la mais c'est parce que biñu ñëkke xalé ba ki ci jotaayu xam xam la ñëkk donc ce qui fait que façon biñu waxtane ak manam biñu ñin leen jangalé non lañu mësa mel xarit voilà ce qui fait que non lañu leen yaré voilà non lañu leen yaré voilà motax ngay gis comme même ñu yaraw ñi maggi ci politique ni tam non lañu mel ñi nga xamantene tamit dañuy wala depuis biñu nekké xalé ci milieu politique bi la nekk di ci gaay ñom tamit ay beau parleur lañu doon manam wala dañuy mëna wala dañu am éloquence bon manam du lu négatif hein non du ci sens bu négatif bi wala mais wala wala sens éloquence la ci djublu wala wala hein mais aussi amna benen moy effort bi ngay def pour man ko wala effort bi ngay def pour man ko motax day di souvent mais lolou dang koy jang wala dang koy jang même boudé ha quand tu passes les euros tu oublies de la France de là voilà boy jay voilà voilà voilà voilà soy jay ci par exemple voilà jay catégorie dañu obligé jang lolou pour hein ah oui voilà bon ala kul hal luma ci djublu won moy en tout cas nit ki su fekente ne da fay wax maintenant budé waxu diiné la budé ci diiné la da fay yomb da lool da fay yomb ci nit ki lutax parce que limi nekkal il suffit que muy nekkal rek manam li nga xamantene mom la jang te muy deug su koy nekkal ni ngui koy waxe rek day naturel mom jarul muy def effort day naturel parce que limi wax ciosan wax ji ci jëmmé bop mu koku jarum muy def effort donc lool nonou kep kuy jangala tamit il faut wala kuy jang il faut mu meul lool donc ce qui veut dire que day delu ci wat ci liñ wax sax ça veut dire il faut mu retenir wax ji exactement nim ko déggé diko netalé exactement nim ko déggé lool nonou mom moy tax wax ji di djup wax ji di taxaw bo gisé amna ño xamantene par exemple sen wax manam da ngay gis ñuy mëna agence ay wax yu bari ñu rafa ñu jéggu yo xamné né souvent bu seen wax ñu sos ñom mais yu ñu dégg ci ki ñeneen ñu dégg ku ci ké après yeen ñu dégg ku ci kër mais presque sax mëna ñu ni xamatu ñom ci kan lañ dégg waxé mais bu ñëwé bakoy rapporter nak légui tellement ko waxé dañu bari buñ koy rapporter da ngay gis wax ji day rafet après comme ku melni ñom ku melni Massa Seck Mboro par exemple ñu soom limi waxé xaw xaw bo xam fu ñi ko xam mais day am ay agencement de d'expression yo xamantene yu rafet la mais du yep mom da ko créer du lool mais c'est que defa yanga nek ak ay nit ñu xam dina borom mi xel lañ ñuy wax muy deg di japp lool et cetera ak yoy bon maintenant dina ci am yo xamne mom ci bopam mo koy créer après mais parce que après ki le rek ki le buy naturel rek buy ñew après lu naturel la rek ñu ñew après mais voilà c'est à dire que donc lolu kuy jang ku nek ak kuy jang li fofu muy ki lolu pourquoi parce que éloquence dafa am solo ci wax balara ak fasaha manam wax gu jotale ak wax jo xamne day leer nañ bo xamne dene ñaari nit buñ douté ci nek ki ni la bëgg wax voilà balara moy wax gu jotale fasaha moy wax gu leer voilà wala hein fafa xam moy wax ju leer wala xam moy wax ju jotale manam lolu kon dafa bok ci li nga xamantene kuy sakku xam dafa wara am teggini dafa wara tam lolu bu ko defé mom bu démé bay jangalé waxam di mëna leer parce que aussi xam nga wax jo xamantene dang koy wax mais à la rigueur intéressé wul kenn. Voilà, c'est pas intéressant en fait. Voilà. Exactement. Voilà. Comme il y a le Moussa alayhi salam, ñanam gogou, voilà, dafa lambo lol. Voilà, dafa lambo lol. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Voilà, wax lu wax dafa min lisan yaqahu qawli. Exactement. Mais lolu amna benen côté bu mu am bo xamantene par contre bobu dafa laaj nit ki xolam sel daf ci am lo xamantene nak par contre legui day dañ commencé guen cadre ay jangana eloquence ak jëm na ko xam ak yag na ki du lolou dafa am cadre bo xamantene maintenant lolou nit xol bi moy sel su ko defé li ci jëmé c'est-à-dire que comme xol ak lamine dañoo lekkelo dañoo am lien étroit bu ci né ce qui veut dire que waxam bi ci xol bi lay jogé comme ci xol bi lay jogé c'est-à-dire que da ngay gis même phrase bi mom mu wax ko mu def ben effet ci xolou nit ñi bu ko keneen waxé mu def même effet bi ci xolou nit ñi lutax parce que ci la xol bi la jogé voilà comme lu doon ci dal mu yahya mu nan wa nan umu yahya neena won na voilà dama niko mu toggu ki bi yahya ben doom la mu ne dama niko na toggu ñam bi après may ci musi nangam fekke doom di dafa jangi ji won bu ñew jang comme bare yoy wax mo wax ji voilà neex na me amna solo me voilà mais mo bimu ñewé tok lool la rena tam da fa ndu umu yahya neena ko mu dem togu ki ci togu gi na ci may musi ci buntu keur ci mais ngi gis gaay nek ci xal ci saati gaay nek ci xal lutax manam nga gis mais legui nak dom ji dafa doon wat dom ji neko dafa am lo xamne do ne da nga jang kefe mais aussi da nga wara sel yow sa jëmi bop parce que motax kuy jangale tamit lool dafa obligatoire ci mom manam mom ci jëmi bopam da wara sel ko bari da wara sel ni ci nonu ñeneen ñi ci gess tak manam bu muy nek talibé nak la koy tambalé manam bu muy nek talibé dans le sens bi muy jang bi muy sax xam lay jëma def effort bobu sel gën wala tabi ci jikko yu rafet yi mu diko duggal ci xolam jikko yu ñaaw yi mu gënne ko ci xolam lolu ci lay am muy jang la muy mu am lolu lolu mom motax am na ñoo xamantene seen mu jangale seen manam seen secret yi nga xamantene mom mo nekk ci ñoom ak leer yi nekk ci ñoom dañ koy transmettre mais buñ ko transmettre par duñ ko transmettre par ay zikar wala ay gaay lan ki da parce que après ñu def ben tarbiyeu ma tarbiyeu nangum ci na deug ñom duñ def lool ñom liñ koy transmettre rek moy le simple fait que ñuy wax wala ñuy bind dañuy transmettre l'air bon automatiquement voilà c'est-à-dire que ñom soxlo wuñu pour tarbiyer nit ñi soxlo wuñu créer mouvement wala créer ben ki pour tarbiyer wala gaay dugg leen ñu ki wala ñew leen après ma dox leen ay xikar yi wala ma def loléen li wala dëd soxlo wuñu doon voilà c'est-à-dire que à travers xam bi ñuy joxe à travers lool rek ci lañuy tarbiyer walé waat en même temps c'est-à-dire que même moment bi ci le secret bi di jaaré ci xol nit ñi voilà lolou nak pour nga mën ko il faut que kiko man il faut mu nek ko xamantene mom day nek au-dessus de yenen hiérarchie yi ci def ci côté bobu manam voilà du voilà hiérarchie initiatique bi mom il faut mu nek ci kaw voilà faut mu nek ci kaw voilà pour les hal niñ ci djublu moy né nit ki lol il faut mu def effort bob manam kuy jangalé fokh mu mel non voilà ce qui veut dire que nit budul wax du lèr ce qui veut dire que lolou ko motax wax ci souf manam il faut ñu mu lèr yanti bi sallalahu alayhi wasallam bu daan wax comme le hadith jabir wax radiyallahu anhu mu ne daan khutba aduma mu ne bu nit ñu biñ ko déggé dañuy yaakar né dafa am xéx bo bu dé da nga sori da nga yaakar né dafa bëgg wax né amna ben xaré buy tak bo xamantene ay gaay ñoo ñu ñew te bu ñewé dañuy attaquer dañuy dugg ci dëkk bi té rég ñu def manam loolu lay prévenir gaay tellement boawam day porter et que waxam dafay am cadence voilà yeen ci sallallahu alayhi wasallam non la daan waxe mais daanu waxe comme waxtu ci nga xamne dang koy voilà dang koy jotali bu daan wax soxlu wul kenn jotali motax aljuma motax même juma wam ak jakka kenn daanu ci jotali kenn ni mu daan julle Allahu akbar tariki ñeppuy deg sallallahu alayhi wasallam amul won jotta amul haut-parleur amul dak ni mu tax gisou len hajjatul wada 100000 personnes ñoo fa nekk ñepp deg lim doon wax khutba bobu 100000 personnes ñepp deg lim doon wax waaw mais c'est juste pour wax ne nekkul woon ko xamantene da lan wax ci souf pour nit ñi diko jox sa dëkk wa té ko la gaay dañ dan diglu aussi bu daan wax lool la wala daanu wax nit ñi di waxtaan ci wël gi wala yoy wala bu daan wax ñeppuy diglu ñepp na tek dara du yow wala wala exactement donc lolu tamit lolu voilà lolu mata baye xel effectivement benen bi ci def kon lolu point la bu mata baye xel lutax moy insister ci point bobu mom moy buñu japp ne vertu la ci nit mom day wax mom waxam ki batam gën du ko deg lolu du vertu lolu defo la defo la kay muno manam defo la ci jangala kat defo la ci jangala kat voilà parce que bu fekkante ni damay jangale te sama wax kenn duko deg lolou mom moy mais kokou moy voilà parce que tout simplement ki nga xamantene moy jangala kat bu mag bi par excellence mou yeren ci sallalahu alayhi wasallam bu daan wax ñepp dañ ko daan deg cependant amna lo xamantene da ka lan def comme sayyidat aisha wa radhiyallahu anha mune yentu bi sallallahu alayhi wasallam budan jangale budan wax mune dan wax comme yeen ni ngeen di waxe mom su dan wax daf ko dan wax da ka dan bennal de telle sorte que nit ki koy deg day meuna tak limi wax da koy meuna mokal wa da koy articuler mais du wax ju barni rek comme voilà donc lolu tamit ci jangale kat lolu dafa am solo benen bi ci def bu point bu am solo ci li yenen ci sallalahu alayhi wasallam ci hadith bi moy ne le fait que mu wut kuko jotali lo fait que mu wut kuko jotali wax di lool moy wone ne tamen ne ayut ci ko xamantene manam day jangala comme liñuy wax mustamli nga al mustamli borom xam xam hadith yu jukki dañ ko daan def dañ daan jangala wut ku ñuy tuddé al mustamli manam moy benn way lay doon bo xamantene day tok du tok tamit ci wetu ki jangale lool mom legui la xal manam nit di wax ki jotali nek fi ci wetam di wax lool legui la xal mais ñom ñu da def moy ki daan wax ki jotali da daan def comme bu fekkante ay milliers de personnes ñoo fi nek parce que ñom ko borom xam yu mag jamono joju nga gis nit ñi fu ne lañ daan jogé ci aduna bi pour ñew ci ag ci hadith yenté bi sallalahu alayhi wasallam parce que tamit loolu la jaralon di jangé hadith yenté sallalahu alayhi wasallam daf leen daan jaral ñu xoti ay distance yu gudd nga gis ko xamantene bu togué ci benn jafay ay jinni nit ñoo xéne donc mom day wut ñu wax mustamli moy benn mom day tok ni à 20 30 40 mètres mu am keneen ku fa nek légui mom su waxé koku day wax pour jotali ñene ñi ci def mëna dégg mais du tok fi ni ki jot li nekk fi voilà ndax yalla nti sallallahu alayhi wasallam li nga xamantene mom la wax sayyidna abu talha radiyallahu ta'ala anhu neko na wote na dem jotali donc daf koy wone benen bi ci res mom moy ne mais ki jotali ki jangale dafa c'est à dire que su beugé jangalem sori il faut mu wut ay relais ay point relais point relais yi bok na ci comme par exemple ma ñew maam dafa ay façon amna bi nga xamantene mom moy jamono yu jëk yi nim daan def moy ben téna day nekk ni motax ngay gis ñu lan bernadara yi manam dañu gis ku nekk ni nga gis après muy jangale yor ay borom manam yor ñu bal ño xamantene ay borom yi xam xam lañ yu mu jangal wala yu mu formé après bu décentraliser leen lolu da fay am comme ñu yëne ci sallallahu alayhi wasallam def ci suñu hadith bi ak sayyidina abu talha radiyallahu anhu nga xamantene daf ko daf ni ko demal nga jotali fek momu nekkon ci yeneene préoccupation lo tam ngey gis serigne ci dañ lañ ko def comme ni ngi gis ni serigne Hadj Malik radiyallahu anhu def ci voilà ñu mo nekké ndar rek séminaire bu formé gaay na nga 99 personnes ba xamné vraiment da leen tarbiyo yar leen bu baax da leen leen et cetera bo ñeñ ñi fekkon na ñu commencé jàng seen ba paré mais en tout cas effort bu tarbiyo ak vraiment yok seen niveau après nak mu tassari leen voilà lool moy décentralisation mais suñu jamono aussi amna yenen forme de décentralisation après décentralisation bu melni moy l'éthique voilà les technologies de communication et de l'information c'est à dire que ñom yow da ngay wax ben wax nga ñom ñu décentraliser manam ñom ñu di taxare voilà ñu tax voilà lolu aussi donc lolu il faut pas que ñu bayyi ni nga xamantene ñom ñoy nek taxan kat yi et cetera ñu nek ci yoon dëngi ak yoy rek ñoñu rek yor angle bobu rek voilà dede il faut que voilà lolu ben forme de décentralisation la voilà bok na ci masale yi nga xamne ñoo adabu alim wal muta'allim wala bok al muallim wal muta'allim wal adab talib al ilm teggini ki sakku xam xam teggini ki jangale ak ki koy jangal ak ki jang bok wala moy ci sakku xam xam rek ak di aju ci walu teggini xam xam moy mais nit ki suy wax manam muy wax jo xamantene dañuy mëna xam liñu wax lan la manam gisso comme fini nga xamantene yenen ci sallallahu alayhi wasallam bimu woyé sayyidina abu talha radiyallahu ta'ala anhu ne ko demal nga wax gaay ni len nangam daf leena wax di ba pare wax len lutax mu wax ko parce que lan la wax daf na inna allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam yanhayanikum an luhumil humur al ahliya mu tek ci la fa innaha rijsun amna ci benen riwaya fa innaha rijsun min amal ash-shaytan manam ne yalla bi naka yalla ak ndawam ni yenti bi sallallahu alayhi wasallam dañu len di téré yapp mbam sefi lan motax mu ne parce que sobe la manam kon wax di argumenter ko c'est à dire que ki nga xamantene mom moy jangale il faut que muy am habitude di argumenter lool mais lool di argumenter ay waxam mais lool non boko tamul jamono di ngay nekké kuy sakku xam xam doko man bo demé doko man manam parce que aussi ni ngay waxal ay xel lañu yox té le minimum fim tollu yeen bo leen dé dégg sama wax le minimum moy bu may wax ak yeen rek seen xel automatiquement dana limi ñëk xol moy ndax ci limi wax yalla mana wala dé manam ce qui veut dire bo waxé lu yeen wut mana rek automatiquement day am ben cloche bu soné ci xel mi né ah non li nak mom non li mom voilà li je suis pas d'accord voilà donc ki nga xamantene moy jangale lolou dafa bok ci teeg ni nga xamantene mom la wara samonter mom moy la moy wax ju leer ak di argumenter ay waxam voilà te pourtant yenen ci bi sallalahu alayhi wasallam la mom mënon na rek wax ne yalla ter na len di en sax ter na len point final ci boba dañ fay deg mais dafa ni tek ne ah parce que daf mom di sobe la nangam nangam amna benen jangat buñu jangé ci le fait que mu yoni sayyidna abou talha radhiyallahu anhu ak le fait que sayyidna abou talha radhiyallahu anhu nekkon borom baat bu kawé moy le fait que manam ki wax gi nga xamanteni dafa jëm ci mboro su fekkentene mënul wax ak manam mom xeyna batam kawé wut mu utiliser liñ wax mu kabiratu sokout manam moy micro yi voilà nga xamanteni parce que lutax parce que dañuy xol essence bi c'est-à-dire que pourquoi yanti bi sallalahu alayhi wasallam bi muy tan ki jokali mu tan sayyidna abou talha radiyallahu ta'ala mu tanu kenen lutax parce que mom batam moy juk kaw comme limu waxone ci sayyidna bilal tam radiyallahu ta'ala bi muy noddu bi sayyidna ki abdullah ibn zayd ibn abd rabbih radiyallahu ta'ala ñewé def gënt gogou ci noddu mu ne ko woowal bilal nga wax ko baat yi nga sako baat yi momu dem noddu dan ko ndax na fa innahu anda lak fawqa ndax mom batam moy gëna kawé ci yow mo gëna kawé mais aussi mo gëna leer voilà donc voix bobu di porter hein donc mom la yenté bi sallalahu alayhi wasallam samonté comme que lool momul objectif bi nak comme que lool moy objectif bi donc utiliser yi nga xamantene mom moy ay micro yé ay xéet yoy non lool nonu loolu ak tosan la ci mon ko saxal hmm wallahi alhamdu walnina bokna ci masala yi nga xamantene ñom ñoo addu ci suñu hadith yi bokna ci masala yi ci upp solo moy le fait que yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam bi mi jangale manam fi dafa ne comme inna allah wa rasuluhu manam mu jangale manam yeen xolal yenenbi sallalahu alayhi wasallam limu def ñewul taxaw ne len pourtant mënon nako waxal bopam parce que batam porte na tamit mu nekk ci yenen fet mais mënon na bayyi lool wax ak gaay mais dafa yonne pour ñu wax lan mais yalla ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam neene manam loolu dañ ci gis ben forme de manam modestie hein ak humilité ci xéxu ñu yenenbi sallalahu alayhi wasallam di jangale manam ndax bu ñewon né man téré na len nangam amna ay parti yu ng koy wax amna fu ng koy wax mais yoy yu mu koy wax tamit c'est parce que fofu mu ñu ñak mu wax ko voilà yoy tamit ay téggine la yo xam tane nit ñi dañ ko war di samonté voilà manam kuy sax xam xam dafa wara jëma samonté ak jikko yoy non et cetera benen bi ci dess moy né buñu xolé sahaba yi radiyallahu anhum sen xal manam aussi relation bobu nonu manam moy ki sakku xam xam day dafa war tamit am ben manam esprit wu nangu di nangu di deg di top di baña nek ko xamne day rebelé wu manam chaque fois rek muy japp né wala man kenn yulifuma manam sax bop nangam wala fi kenn momul kenn buñu kenn fonto nangam wala muy bandi am esprit bobu parce que lutax parce que ki souvent ki jangale muy gëna xam ki jang manam ki sax xam souvent ki koy jangal mo koy gëna xam donc mom ay orientation manam daf ko war di bayyi xel aussi mara yeen ci sallallahu alayhi wasallam bimu waxe sahaba yi radiyallahu anhum ne len ya manam bu yone ci na abou talha radhiyallahu anhu yalla yeen ci sallallahu alayhi wasallam téré nañ leen lan hein ngeen lek yapu mbam suf ndax sobe la ci saasi luñ tour lepp manam ci saasi fekk ñi ngi xifo la ci ñangi bax ak yeen ci ñangi tabarakallah ñi ngi ci moment bi mi gëna nexe moy moment bi mi baxé ñi xey mais dañ ko tour lool tamit moy melo julit ci saafi jamono ji ni wax ne manam bi muy deg la nan samia na wa ataa deg ni top nañ lool moy melo julit mais du fi nek nan non lutax bon écoutez bon wala nañ mos ba pare quoi wala bon comme togu nañ ko ba pare mom wa bi mom finalement nañ ko lek ba pare xamna buñu pare après ñu roko xol leneen li ci dess dedet ci saafi bu degge lool moy julit bu degge baatu yalla neena yaron nabi sallallahu alayhi wasallam neena automatiquement dafa wara am luy solé ci bop bi diglu limi wax te nga top voilà lolou la julit di doxala voilà ci saati benen bi ci def mom moy sayyidina abou talha radhiyallahu anhu biko yeb sa salama wowe manam fekk ko ci bir mbolo mi yeb ne ko demal nga wax ju ni wepp ne ko nako mais xam ko bobu ñom ñep dañu ci ko ne ko nanko ko man dama ci fa di wax ci kaw ni duma ko man et puis lan motax nga dema tan la man te tanno ñeneen ni manam nit ko di wax yoy non ci ci affaire de pas top wax yi manam yoy yeb day walé nangu ak d'accord bi nga xamantene mom la ci sakku xam xam wara nangu manam ak nangu gi mu wara nangu waccu bopam nangu gi mu wara voilà nango voilà même bu nekk ci bir mbolo manam ci bir ay moromam ci bir morom yi ay mbokk talidum ak yoy manam mu waccu bopam sen bir manam nango nekk ci service nit ñi nango nekk ci voilà nango dal baña jappé bopam comme né mu ëppunté na ak di def yenn yi wala ëppunté na ak di jouer rôle sangam ak lutax ñu koy spécifier ci bir nangam ak nangam dedet na japp né mom bu koy def ci yoonu yalla la nek ku nek ci yoonu yalla nak da ngay jël sa lepp jox ko yalla wala ñi ci def lepp lu am rek lepp lo xamantene dañ la ko denk do da nga japp né non seulement responsabilité la fait mais teranga la aussi parce que yalla doyna la teranga mo do ko yalla utiliser le ci circonstance même ni utiliser le ci façon yu même ni wala mu di la dox loli yenenbi sallalahu alayhi wasallam defundi manam nga nek ci yoonu yenenbi alayhi salatu wassalam lolou doyna la teranga lolou doyna la teranga wala donc lolou lolou tamit yu mata baye xel la wala xamna inshallah ñu julli bu ko defé ñu après ñu soit ñu yakana ki day jox wala ah, si, ah, si, vous avez fait, vous avez fait.